Kimiko, nouvelle japonaise, par Lafka Duhern, chapitre 1er. Ce nom est inscrit sur une lanterne de papier à l'entrée d'une maison dans la rue de la Geisha. La rue, vue de la nuit, est une des plus étranges du monde, étroite comme un corridor, avec des façades trouées d'innombrables fenêtres soigneusement fermées qui brillent dans l'obscurité. Chacune de ces croisées possède une petite porte à glissoir, garnie de carreaux en papier, semblable à des vitres translucides, et tout cet ensemble fait penser aux cabines des voyageurs de première classe. En réalité, ces maisons ont plusieurs étages, mais à première vue on ne les distingue pas, surtout quand la lune est absente, car les rez-de-chaussée seuls sont éclairés sous les auvents. Au-dessus, tout est plongé dans l'ombre. Cette clarté éblouissante provient de lampes posées derrière d'étroits panneaux en papier et de lanternes suspendues devant chaque porte. La rue s'allonge entre ces deux fils de lampions convergeant au loin en une ligne immobile de lumière jaune. Quelques-unes de ces lanternes ont la forme d'un œuf, d'autres sont cylindriques, d'autres sont carrées ou pentagonales, toutes décorées avec ces beaux caractères japonais. La rue est tranquille, silencieuse comme une galerie d'ameublement dans quelque grande exposition en jour d'été. Les habitantes sont presque toutes dehors, occupées à servir des bouquets ou prises par d'autres fêtes. Elles vivent la nuit. La légende de la première lanterne à gauche en allant vers le sud est Kiroya Uchi Okata, c'est-à-dire la maison de l'or ou loge Okata. La lampe à droite indique sur son transparent l'habitation de Kajita où résident Kohana, le bouton de rose, et Inaka, dont le visage est régulier comme celui d'une poupée. En face se trouve le logis de Nogai, où demeurent Kimika et Kimiko. Ces dernières inscriptions montrent l'affinité des deux noms. Kimika est la patronne et la maîtresse. Elle a fait l'éducation des deux geishas, toutes deux surnommées par elle Kimiko, toutes deux belles et célèbres, surtout la première, l'Ishidaime. Si vous avez quelques raisons personnelles pour entrer dans cette maison, en faisant glisser la petite porte fixée à un gong qui sonne pour annoncer les visites, vous pourrez voir Kimika, pourvu que ses élèves ne soient pas engagés dehors ce soir-là. Vous trouverez une personne très intelligente, avec qui il est agréable de causer. Elle peut vous raconter, si cela lui plaît, des histoires curieuses, des histoires de chair et de sang, des histoires vraies, des histoires vécues. Car la rue de la Geisha est pleine de traditions tragiques, mélodramatiques et comiques. Chaque maison a sa chronique, et Kimika les connaît toutes. Quelques-unes sont véritablement terribles, d'autres vous donneront à penser. L'histoire de la première Kimiko appartient à ce dernier genre et est une des moins difficiles à comprendre pour les cerveaux occidentaux. Chapitre 2e. Ichidaime Kimiko n'existe plus. Elle vit seulement dans le souvenir. C'était, à ce que dit Kimika, une jeune fille merveilleuse. Pour devenir célèbre, une geisha doit être gracieuse ou intelligente. Les plus renommées sont pourvues de ces deux qualités, ayant été choisies dans leur jeune âge par leur maîtresse, selon les promesses qu'elles donnaient. La chanteuse la plus vulgaire doit toujours avoir un certain charme, ou tout au moins cette fraîcheur passagère qui fait dire au proverbe japonais que le diable est toujours joli à 16 ans. Mais Kimika était plus que jolie. Elle possédait le type idéal de la beauté nippone, ce type qui est si rarement réalisé. En tout, du reste, elle était parfaite. Elle composait des poèmes délicats, elle faisait d'exquis bouquets, elle accomplissait impeccablement les cérémonies du thé, elle savait broder et faire des mosaïques de soie. Bref, elle avait toutes les grâces. Son apparition jeta le trouble dans la société de Kyoto. Évidemment, elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, et dans ses mains frêles, elle tenait sa fortune. On s'aperçut promptement qu'elle connaissait à merveille sa profession et qu'elle savait très bien se conduire en toutes les circonstances possibles. Du reste, ce qu'elle ignorait, Kimika était là pour le lui apprendre. La puissance de la beauté et l'inutilité de la passion, la force des promesses et la valeur de l'indifférence, toutes les folies et toutes les perversités du cœur humain. Aussi Kimiko commit-elle peu d'erreurs et versa-t-elle peu de larmes. Peu à peu, elle devint légèrement dangereuse, dangereuse comme l'est une lampe pour les papillons nocturnes qui l'éteindraient peut-être s'ils ne se brûlaient les ailes à sa flamme brillante. La fonction d'une lampe est d'éclairer des choses agréables. Par elle-même, elle n'est pas méchante. Kimiko non plus n'était pas mauvaise. Les familles anxieuses s'aperçurent qu'elle ne désirait pas entrer dans les maisons respectables pour y apporter le désordre. Elle n'avait aucune indulgence pour les jeunes hommes qui ont l'habitude de signer un engagement avec leur propre sang et qui demandent en échange à une danseuse de se couper l'extrémité du petit doigt de la main gauche en signe d'éternel amour. Ceux qui lui offraient des terrains et des maisons pour la posséder corps et âme la trouvaient encore moins clémente. Elle renvoya avec de douces paroles un riche seigneur qui voulait lui racheter sa liberté sans condition en donnant une petite fortune à Kimika. Mais elle préféra rester geisha. Elle dispensait ses refus avec beaucoup de tact, afin de ne pas exciter la haine, et en beaucoup de cas, elle sut guérir ses victimes. Il y eut des exceptions, naturellement. Un vieillard, qui estimait la vie indigne d'être vécue sans posséder Kimiko tout à lui, l'invita un soir à un banquet et lui demanda de boire une coupe de vin avec lui, d'un vin qui devait donner à la fois l'amour et la mort. Mais Kimika, experte en l'art de lire sur les physionomies, substitua adroitement du thé, qui a la même couleur que le vin, dans la coupe de la jeune fille et 10 minutes plus tard, l'âme de l'hôte malhonnête s'en allait, solitaire, vers Meido. Très désillusionnée, sans doute. Depuis cette nuit-là, Kimika veilla sur son élève comme une chatte sauvage sur son petit. Or, le petit chat devint une fureur de la mode, un engouement, un délire, une des grandes attractions du moment. Un prince étranger se rappelle encore son nom et lui envoya des diamants qu'elle ne porta jamais. Tous ceux qui pouvaient s'offrir le luxe de lui plaire la comblaient de cadeaux. Être pour un seul jour dans les bonnes grâces de Kimiko était l'ambition de toute la jeunesse dorée. Néanmoins, elle ne permit jamais à aucun de se croire son favori et refusa toujours d'avoir une liaison sérieuse. Aux objections qu'on lui faisait, elle répondait qu'elle connaissait son métier mieux que personne. Cependant, des dames respectables parlaient favorablement d'elle, car son nom ne fut jamais mêlé à aucun scandale de famille. Elle se tenait parfaitement bien à sa place, et sa réputation allait grandissant sans cesse. D'autres geishas avaient du succès, mais aucune ne pouvait lui être comparée. Sa photographie, achetée par des industriels avec un droit d'exclusivité, fit la fortune de certaines maisons. Mais un jour, la nouvelle surprenante se répandit dans la ville que Kimiko avait enfin senti son cœur battre. Elle était partie avec quelqu'un qui avait les moyens de lui offrir les plus belles robes du monde, avec quelqu'un qui était prêt à lui donner une position sociale et à faire taire tous les bavardages sur le passé, avec quelqu'un qui se mourait d'amour pour elle. Kimika prétendait qu'un fou avait voulu se tuer pour la geisha et que celle-ci, prise de pitié, s'était laissée attendrir. La maîtresse ajoutait, avec des larmes peu désintéressées, que Kimiko ne reviendrait jamais plus, car, chose invraisemblable, elle partageait la passion insensée de son nouvel amant. Cependant, Kimika ne voyait pas juste. Quoique très fine, elle était incapable de pénétrer dans les profondeurs du cœur de son élève, et si elle avait pu le faire, elle en aurait crié d'étonnement. Chapitre 3e. Il y avait une grande différence de race entre Kimiko et les autres geishas. Avant de prendre son nom professionnel, elle s'appelait Ai, ce qui, écrit d'une certaine façon, veut dire « amour », et ce qui, tracé avec d'autres caractères, signifie « douleur ». Et en vérité, l'histoire d'Ai fut bien une histoire de douleur et d'amour. Elle avait été très bien élevée. Dès son enfance, on l'envoya dans une école privée tenue par un vieux samouraï, où les élèves, assis sur des coussins devant des tables basses, étaient instruits par des maîtres non salariés. Aujourd'hui, que les professeurs gagnent plus que les fonctionnaires civils, l'enseignement n'est pas aussi agréable qu'autrefois. Un domestique conduisait soir et matin la petite fille à l'école, portant les livres, le petit coussin pour les genoux et l'écritoire. Puis Kimiko passa dans une école élémentaire publique. Les premiers livres de textes modernes venaient de paraître, contenant des traductions japonaises d'histoire anglaise, allemande et française sur l'honneur, sur le devoir et sur l'héroïsme. Histoire soigneusement choisie et illustrée de petites figures ingénues représentant des occidentaux en d'invraisemblables costumes. Ces petits livres, à la fois pathétiques et ridicules, sont très rares à présent. Ayant été remplacés par de prétentieuses compilations éditées sans goût, Ai travaillait bien. Chaque année, à l'époque des examens, un grand officier visitait l'établissement, parlait aux enfants comme si c'était ses propres filles et caressait les jeunes têtes en distribuant les prix. Cependant, il se produisit dans le pays une évolution radicale dans les classes sociales qui changea la situation de plusieurs riches familles et les plongea dans la misère et dans l'obscurité. Ai dut abandonner l'école et resta seule au monde avec sa mère et une petite sœur. Les pauvres femmes savaient seulement tisser, ce qui ne rapportait pas assez pour les faire vivre. D'abord la maison et les terrains, puis objet par objet, meubles, ornements, robes magnifiques, lac armorié et toutes les choses superflues passèrent à vil prix dans les mains de ceux que la misère enrichit et dont la fortune est appelée par le peuple Namidano Kane, l'argent des larmes. Personne ne pouvait les secourir, car la plupart des familles des samouraïs étaient tombées dans l'indigence. Mais quand il n'eut plus rien à vendre, même pas les livres d'Aï, les trois femmes demandèrent aux morts de les aider. Le père d'Aï avait été enterré avec sa belle épée montée en or, dont un daimyo. On ouvrit la tombe et la garde, œuvre d'un célèbre orfèvre, fut changée contre une plus commune et les ornements du fourreau furent aussi enlevés. Mais la bonne lame ne fut pas prise, car le guerrier pouvait en avoir besoin. Aï vit le visage de son père assis, droit, dans la grande urne rouge qui servait de bière aux samouraïs de haut grade, enterrés selon les rites antiques. Les traits étaient encore reconnaissables, après tant d'années de sépulture, et il sembla faire un signe d'austère assentiment quand on remit l'arme à ses côtés. Enfin, la veuve devint faible et maladive au point de ne plus pouvoir travailler au métier, et l'or du mort était depuis longtemps dépensé. Alors Aï dit, « Mère, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de me vendre comme danseuse. » La mère pleura et ne répondit pas. Aï ne pleura pas, mais elle partit toute seule. Elle se souvenait qu'autrefois, quand on donnait des banquets dans la maison paternelle et que les danseuses servaient le vin, une geisha libre, appelée Kimika, l'avait souvent caressée. Elle se rendit directement chez cette dernière et lui demanda « Voulez-vous m'acheter? J'ai besoin de beaucoup d'argent. » Kimika se mit à rire, l'embrassa, la fit manger et écouta son histoire. Kai compta courageusement sans verser d'inutiles larmes. « Mon enfant, répliqua Kimika, je ne puis te donner une grosse somme parce que je ne suis pas très riche. Cependant, je te promets d'entretenir ta mère. Cela vaut mieux peut-être que de lui remettre de l'argent, car elle était une grande dame et ne saurait pas bien le dépenser. Demande à ton honorable mère de signer le contrat qui te lie à moi jusqu'à l'âge de 24 ans, ou du moins jusqu'à ce que tu sois en état de me rembourser de mes frais. Ce que je puis t'offrir à présent, emporte-le chez toi comme un don gracieux. » Et ainsi Aï devint geisha, et Kimika l'appela Kimiko, tenant scrupuleusement la promesse d'entretenir la femme de la jeune fille. La mère mourut avant que celle-ci n'acquît la célébrité, et la petite sœur fut mise à l'école. Et l'on connaît le reste. Le jeune homme qui voulait se tuer pour Kimiko était digne d'un sort meilleur. Il était fils unique de parents riches et nobles, disposé à tous les sacrifices, même à accepter une geisha comme belle-fille. D'autant plus qu'ils estimaient Kimiko à cause de la passion qu'elle ressentait pour leur fils. Avant de partir, Kimiko s'occupa de l'établissement de sa sœur Ume, qui venait de sortir de l'école. Celle-ci était bonne et jolie. Kimiko se servit de son expérience du cœur humain pour lui choisir elle-même un mari, un bon et brave marchand à l'ancienne mode, incapable de faire le mal, même s'il l'eût voulu. Ume ne fit aucune objection et le temps démontra que le choix avait été sage et judicieux. Chapitre 4. Ce fut au temps de la quatrième lune que Kimiko fut conduite à la nouvelle demeure où elle devait oublier toutes les dures réalités de la vie. Une espèce de palais enchanté, perdu sous les ombres silencieuses des grands jardins mystérieux. Là, elle pouvait se croire transportée, grâce à ses actions méritoires, dans le céleste royaume d'Araï. Mais le printemps passa, puis l'été revint, et Kimiko restait toujours Kimiko. Trois fois, pour des raisons inconnues, elle renvoya le jour de ses noces. À la huitième lune, elle cessa d'être gaie et parla doucement, quoique avec fermeté. Il est temps que je dise ce que j'ai eu depuis longtemps. Par amour pour ma mère qui m'a donné la vie et par tendresse pour ma petite sœur, j'ai vécu dans les flammes de l'enfer. Tout cela est passé, mais je porte sur moi la marque du feu maudit, et il n'y a pas de puissance humaine qui puisse l'effacer. Une créature comme moi ne peut entrer dans une famille honorable, ne peut mettre un fils au monde, ne peut se créer un foyer. Laissez-moi parler, car me reconnaissant coupable, je suis beaucoup plus sage que vous. Jamais je ne serai votre femme. Afin de ne pas vous faire honte, je serai votre amie, votre compagne de plaisir, votre hôte d'honneur, et cela sans que vous me donniez rien. Quand je ne serai plus avec vous, un jour cela adviendra fatalement, vous jugerez plus sainement les choses, alors je vous serai encore plus cher, mais d'une autre façon qu'aujourd'hui. Vous vous souviendrez de ces paroles qui sont sorties du plus profond de mon cœur. vous choisirez une jeune fille fidèle et douce pour devenir la mère de vos enfants. Je les verrai, mais je ne pourrai jamais être une épouse ni connaître les joies sacrées de la maternité. Je suis seulement votre folie, mon aimé, une illusion, un rêve, une chimère ailée, une ombre fuyante dans votre vie. Peut-être, plus tard, deviendrai-je quelque chose de mieux, mais jamais la fille de vos parents, ni en cette existence, ni dans la suivante. Si vous me parlez encore de mariage, je m'en vais aussitôt. » Pendant la 10e lune, Kimiko disparut, s'évanouit, cessa complètement d'exister. Chapitre 5e. Personne ne sut quand et comment elle était partie. Les voisins ne l'avaient pas vue passer. D'abord, on crut qu'elle reviendrait bientôt. Elle n'avait rien emporté de ses belles et précieuses affaires, de ses robes, de ses ornements, de ses riches cadeaux, qui constituaient une fortune. Mais les semaines s'écoulaient sans un signe, sans un mot. Alors on craignit que quelque chose de terrible ne lui soit arrivé. On fouillait les fleuves et les fontaines, on écrivit et on télégraphia partout. On envoya de fidèles serviteurs à sa recherche. On offrit des sommes importantes à qui donnerait de ses nouvelles. On s'adressa seulement à Kimika, qui aimait véritablement la jeune fille et aurait été trop heureuse de la retrouver sans aucune récompense. Mais le mystère restait impénétrable. Il était inutile de recourir à la police, car la fugitive n'avait commis aucun délit, n'avait enfreint aucune loi, et la vaste machine de la police impériale ne pouvait être mise en mouvement pour satisfaire l'amour malheureux d'un jeune homme riche. Les mois devinrent des années, et ni Kimika, ni sa sœur Ume, qui habitait Kyoto, ni aucun de ceux qui avaient connu ou admiré la belle geisha, ni personne au monde ne la revit plus. Mais ce qu'elle avait prédit arriva. Le temps sèche toutes les larmes et calme tous les désirs. Au Japon comme ailleurs, on ne se tue pas deux fois pour la même femme. L'amant de Kimiko s'assagit et ses parents lui trouvèrent comme épouse une douce jeune fille qui lui donna un fils. D'autres années s'écoulèrent, le bonheur régnait dans le palais enchanté où la danseuse avait demeuré un jour. Or voici qu'un matin, une religieuse quêteuse vint demander la charité à la porte de ce palais, et l'enfant, en entendant l'appel bouddhique « Aïe, aïe » de la sainte femme, courut à l'entrée. Le domestique qui portait à la mendiante l'habituelle aumône de riz fut surpris de l'avoir caressé le petit garçon et lui murmurait quelque chose à l'oreille. Alors le gamin cria au serviteur « Laisse-moi lui donner le riz moi-même ». La pauvresse intercéda pour lui, cachée sous l'ombre de son vaste chapeau de paille. « Honorable, consentez à ce qu'il me donne le riz lui-même ». Le petit versa le riz dans l'écuelle de la misérable femme, qui tout en le remerciant lui demanda « Veux-tu me répéter les paroles que je t'ai prié de dire à ton honorable père ?» Et il balbutia docilement, un peu effaré. « Père, une personne que vous ne reverrez jamais plus ici-bas vous fait dire que son cœur est heureux, parce qu'elle a vu votre fils. » La religieuse sourit doucement, caressa de nouveau ce frais visage et s'éloigna rapidement, tandis que l'enfant courait réciter à son père les étranges paroles de la passante. Mais les yeux de celui-ci s'obscurcirent de larmes en entendant ces mots. Et il pleura sur la tête de son fils, car lui seul savait qui était venu à la porte, car lui seul savait la signification du sacrifice accompli, car lui seul savait la véritable raison de tout ce mystère. Maintenant, il est souvent rêveur, mais il ne dit à personne le secret de ses pensées. Il sait que la distance qui existe entre les soleils est moins grande que celle qui le sépare de la femme autrefois aimée. Il sait qu'il est vain de chercher dans quelque ville écartée, dans quelque fantastique labyrinthe de rues étroites et ignorées, dans quel temple obscur connu seulement du plus pauvre parmi les pauvres, dans quel endroit perdu elle se cache, attendant l'obscurité qui précède l'aube du grand réveil. Quand la face du maître lui sourira, quand la voix du maître lui dira avec une douceur que ne connurent jamais les lèvres d'un amant humain, « Ô ma fille en la doctrine, tu as suivi le sentier saint, tu as cru et compris la sainte vérité, c'est pourquoi je viens maintenant à ta rencontre. » C'était Kimiko par l'Afghadio Hearn.